essayé les Rémi, flottant entre amants et amis. Tu as goûté au Raphaël, t'emmenant jusqu'au septième ciel. Tu as flirté avec les Jules, l'été dans les chauds crépuscules. Tu as testé dans les Lambert, le charme de leur goût pervers. Tu as frôlé les Saturnins, tu as cassé les firmins. Tu as affrôlé les Éric, ensorcelé les Frédéric. Tu as envoûté les Gaston, et tu as conquis les Raymond. Tu as joué avec les Victor, et crié sous les Théodore. Mais quand le mec s'appelle Java, ne me dis pas comment tu pendras tes bras à son cou. Quand le mec s'appelle Java, ne me dis pas, tu vivras vraiment l'amour fou. Tu entreras dans sa danse, dans l'île perdue tu le suivras. Et là sur les plages immenses, ton corps enlacé roulera. Souffle à le temps, souffle court, mêlant la mort à l'amour. Tu seras dans un au-delà, quand le mec s'appelle Java. Tu as délaissé les Rémi, disent-ils en routine et ennui. Tu as laissé les Raphaël, malgré la douceur de leurs ailes. Tu as menti à tous les Jules, sans honte et sans aucun scrupule. Tu as mystifié les Lambert, prise au piège de leur goût pervers. Tu as quitté les Saturnins et laissé tomber les Firmins. Tu as fait pleurer les Éric, désespéré les Frédéric. Tu as démoli les Gaston et tu t'es moqué des Raymond. Tu as piétiné les Victor et détruit tous les Théodore. Mais quand le mec s'appelle Java, ne me dis pas comment tu dénoues les bras de son cou. Quand le mec s'appelle Java, ne me dis pas combien ça fait mal l'amour fou. Tu paieras très cher la danse et dormant sous les cocotiers, quand tu connaîtras la souffrance d'être arraché à sa moitié. Cœur pantelant, cœur trop lourd, mêlant la mort à l'amour. Le néant tu souhaiteras quand le mec s'appelle Java. Oui, le néant tu souhaiteras quand le mec s'appelle Java. Le néant tu souhaiteras.